en cette première semaine de 2018, on ne perd pas les bonnes habitudes. Première table ronde actu de l'année, il sera question entre autres de notre plus vieil ancêtre animal commun. Nous ne descendons pas du singe mais de l'éponge. Nous parlerons également de la difficulté à éradiquer totalement la poliomyélite malgré des vaccins qui ont réduit le nombre de cas de 99%. La maladie semble impossible à endiguer complètement. Et enfin, la Chine a-t-elle d'ores et déjà pris un avantage stratégique dans la course à l'internet quantique ? Et cet internet quantique, pourquoi le déployer, pour quelles utilisations et à quelles échéances ? Éponge, polio et internet quantique, ce sont quelques-uns des sujets que nous allons traiter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour cette première table ronde d'actualité scientifique de l'année, nous n'avons sélectionné que les meilleurs, les plus acharnés des vulgarisatrices et des vulgarisateurs, ceux qui ont passé la trêve des confiseurs au fin fond d'un laboratoire expérimental de pointe pour en revenir avec des informations aussi révolutionnaires qu'ultra confidentielles, dont vous ne saurez rien donc, puisque c'est confidentiel. Bonjour Caroline Tourbe. Eh bien bonjour et bonne année. Bonne année de notre partenaire chéri, le magazine Science et Vie, Sylvain Mission Impossible Guilbeault de la Recherche. Bonjour. Bonjour Nicolas et bonne année à tous. Bonne année, vous allez relever comme chaque fois, tout à l'heure, un nouveau défi sous les oreilles ébahies de nos auditeurs. Et Pierre Kerner, bonjour. Bonjour, quels éloges. Alias Saft, Strange Stuff and Funky Things. Vous avez passé, vous, ces 15 derniers jours dans les eaux azures d'une barrière de corail tropical déguisée en éponge. Vous allez nous raconter pourquoi. Mais avant cela, elle est à la science ce que Bob est à l'éponge, onomastiquement indissociable. Ces eaux espèces pour le premier journal des sciences de l'année. Le journal des sciences. Et bonjour Zoé. Bonjour Nicolas, bonne année, vous êtes toujours aussi taquin en 2018, c'est une bonne nouvelle. Ça ne changera pas. Allez, on ouvre ce journal sur cet article paru dans Science qui semble confirmer l'hypothèse selon laquelle l'eau serait en fait composée de deux phases liquides distinctes. Un article paru là juste à la fin du mois de décembre qui rouvre, ou en tout cas remet sur le tapis le débat autour de la nature de l'eau qui est à l'origine de la vie mais qui ne se comporte que comme quasiment aucun autre liquide. Les scientifiques tentent de percer le mystère de ses propriétés les plus singulières. Elles sont nombreuses. C'est l'un des rares liquides qui est moins dense sous forme de glace que sous forme liquide. L'iceberg flotte, hein, on le sait. Son maximum de densité est situé à 4 degrés Celsius. Et j'en passe. Autre caractéristique, contrairement à tous les autres liquides, sa compressibilité augmente à mesure qu'on la refroidit. Anders Nilsson est chimiste. C'est l'auteur principal de cette étude parue donc dans Science. Il a tenté de maintenir l'eau à l'état liquide aux températures les plus basses possibles pour voir s'il existait un moment critique susceptible d'expliquer la structure de l'eau. Il m'a expliqué à la fois sa technique et ses conclusions. So to get to this very low temperature, you have to Pour arriver à des températures très basses, il faut lutter contre la cristallisation. Nous avons injecté dans le vacuum des gouttes micronisées que nous refroidissons très rapidement, en quelques millisecondes. Ensuite, nous les photographions de manière extrêmement rapide grâce aux rayons X. Et ce que nous avons découvert, c'est que le point critique pour l'eau est de moins 44 degrés Celsius. En effet, plus on baisse la température, plus la compressibilité de l'eau augmente de manière tout à fait inhabituelle par rapport aux autres liquides. La compressibilité continue d'augmenter jusqu'à précisément moins 44 degrés Celsius. À partir de là, elle se met à décroître à nouveau. C'est cela notre grande découverte. On a donc ce chiffre, moins 44 degrés Celsius. On sait qu'il se passe quelque chose de critique à cette température-là. Il y a beaucoup d'hypothèses scientifiques débattues aujourd'hui relatives aux propriétés de l'eau. Et cette expérience permet d'en écarter quelques-unes. Et l'hypothèse qui subsiste et que l'expérience vient appuyer consiste à dire que l'eau est en fait composée de deux phases liquides distinctes. Pour la valider, il faut introduire des modifications de pression, pas uniquement de température, comme nous l'avons fait. Mais l'idée, c'est que l'eau serait formée d'une phase dite de faible densité et d'une autre phase distincte, bien plus dense, probablement de 20% selon nos estimations. Et que si on avait un verre d'eau et qu'il était soumis à des conditions de pression et de température critiques, on verrait ces deux phases se séparer dans le verre, exactement comme de l'eau et de l'huile. Voilà, cette hypothèse des deux états liquides distincts de l'eau est la clé théorique des travaux d'Anderson-Nielsen que vous venez d'entendre, mais la question Zoé est tout de même assez loin d'être tranchée. Oui, alors c'est une hypothèse qui séduit dans le monde de la recherche, mais qui reste évidemment vivement débattue. Ils sont plusieurs dizaines de chercheurs dans le monde à travailler sur la structure de l'eau et ses propriétés, en l'abordant souvent par des techniques expérimentales qui sont différentes. Parmi eux, en France, il y a le physicien Frédéric Copin, qui est professeur à l'université de Lyon 1, qui a publié cet été un article sur la compressibilité maximum de l'eau en l'abordant cette fois par le biais de l'eau à pression négative ou eau étirée, d'ailleurs duquel Anderson s'est inspiré. Il est aussi et surtout le co-auteur d'un article, disons, concurrent paru avant-hier qui utilise une technique assez similaire mais pas tout à fait la même que celle d'Anderson. Pour lui, si l'hypothèse des deux phases liquides de l'eau est plausible, intéressante, elle reste pour le moment impossible à prouver et Anderson-Nielsen n'y est pas loin de là. L'existence de liquide n'est pas observée directement dans cette expérience. En fait, personne ne l'a jamais observé. C'est la prédiction du modèle qui semble cohérent avec les conclusions de l'article, si elles sont justes. Et donc, le problème, c'est que tout se joue dans des endroits qui paraissent inaccessibles à l'expérience. Donc, c'est ce qu'on appelle le no man's land, qui a deux températures entre lesquelles c'est impossible d'observer de l'eau liquide. Moi, j'ai un petit débat sémantique avec Anderson-Nielsen. Lui, il dit qu'il fait des expériences dans le no man's land. Et pour moi, c'est un contresens, parce que le no man's land, c'est là où on ne peut pas faire d'expérience. Et donc, c'est plutôt la frontière qui bouge. C'est-à-dire que si on va de plus en plus vite, comme il le fait avec son laser à rayons X, on arrive à observer l'eau liquide à une température un peu plus basse qu'on avait pu faire auparavant. Alors, moi, j'ai deux expériences sur la température la plus basse, qui vient de paraître, en fait, avant-hier, là, dans Physical Resonators, où on a repris la technique des gouttes qui s'évaporent dans le vide, et on a trouvé une astuce pour réussir à mesurer leur taille. Ce que peut pas faire Anderson-Nielsen, parce que lui, il prenait juste des photos et il pouvait les mesurer qu'à un micron près. On est 100 fois plus précis sur la taille des gouttes. En tout cas, nous, ce qu'on trouve, c'est qu'avec des gouttes un peu plus petites que les siennes, on atteint des températures un peu plus hautes. Et on s'attendrait à l'inverse, c'est-à-dire que comme les gouttes sont plus petites, elles devraient refroidir plus vite et atteindre des températures encore plus basses. C'est le contraire qu'on obtient. Voilà, alors, c'est deux expériences différentes. Voilà, la question est posée et il faudrait une confrontation. Ce serait une façon de conclure ce débat là qu'on a ouvert. Voilà, et si vous voulez en comprendre et en savoir plus sur ces particularités de l'eau liquide, solide ou gazeuse, on vient de vous mettre sur Twitter le lien vers l'émission que nous y avions consacrée, ça s'appelait L'eau, une histoire trouble, voilà, que vous pouvez retrouver sur notre fil Twitter @laméthodefc. En bref, maintenant Zoé, les États-Unis viennent de lever l'interdiction du financement de travaux de recherche qui visent à rendre certains virus plus meurtriers et plus transmissibles. Il y a 3 ans, le gouvernement américain avait imposé un moratoire sur la recherche dite gain of function, c'est-à-dire gain de fonction des expériences controversées qui visent à modifier donc les agents pathogènes pour les rendre encore plus dangereux. Et bien ce mardi, le directeur du National Institutes of Health a annoncé la levée de ce moratoire en déclarant que la recherche sur le gain de fonction pour des virus comme la grippe ou le SRAS pourrait, je cite, nous aider à comprendre et élaborer des stratégies ainsi que des contre-mesures efficaces contre ces agents pathogènes. Déception pour les amateurs des petits hommes verts, il n'y a pas de mégastructure extraterrestre de type Dyson autour de l'étoile de Tabby. Oui, vous y avez cru, Nicolas. Oh oui. Au centre de l'attention depuis 2015, Tabby, qui est située à 1480 années-lumière, présente d'importantes variations de sa luminosité qui surviennent de manière totalement aléatoire. Et l'astronome Jason Wright avait émis l'hypothèse d'une mégastructure, donc de type sphère de Dyson, construite par des extraterrestres pour intercepter une partie de la lumière de cette étoile et donc remplir leurs besoins énergétiques de leur civilisation très évoluée. Et bien, c'est lui-même, accompagné de plusieurs autres chercheurs, qui publie cette semaine une étude poussée qui indique que c'est sans doute la présence de poussière qui est la cause la plus probable des variations de luminosité. Voilà, le deuxième sujet de cette semaine, c'est l'Élysée qui a indiqué vouloir nommer le mathématicien et informaticien Antoine Petit à la présidence du CNRS. Et ce, en remplacement d'Alain Fuchs, qui a quitté le CNRS pour prendre la tête de Paris Sciences et Lettres. L'intérim est pour le moment assuré par la biologiste Anne Perroche. Le choix du gouvernement doit encore être approuvé par la Commission des Affaires Culturelles et de l'Assemblée Nationale, et ensuite celle du Sénat, qui vont tous les deux auditionner Antoine Petit, mais selon toute probabilité, c'est bien cet agrégé de mathématiques, titulaire d'un PhD en sciences informatiques, qui est aujourd'hui à la fois à la tête de l'IHEST et le PDG de l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. La méthode scientifique lui avait consacré une émission le 21 décembre dernier, qui prendra donc la tête du CNRS. Alors, qui est cet homme au profil scientifique assez inhabituel pour le poste? J'ai posé la question à François Sillion, il travaille avec lui à l'INRIA, puisque c'est le directeur général délégué à la science de l'INRIA. Ce que je souhaiterais, c'est que le profil scientifique d'Antoine Petit soit un non-événement, en fait, dans sa nomination. C'est-à-dire que le fait qu'il soit mathématicien et informaticien ne devrait pas être une question qu'on se pose. Si on mettait à la tête du CNRS, comme ça a été le cas d'ailleurs pendant longtemps des physiciens, mais récemment un chimiste, ne poserait pas la question, ce sont des disciplines qui sont reconnues comme des disciplines scientifiques. Alors, vous avez raison, l'informatique en particulier, les sciences du numérique ne sont pas forcément reconnues comme des vraies sciences depuis très longtemps, mais c'est quand même un combat qui est gagné maintenant. Antoine Petit, c'est un excellent scientifique. Après, plus que son profil scientifique, je pense que ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui respecte et qui aime, j'allais dire, les gens, les chercheurs. Et un autre point très important, je pense, dans la personnalité d'Antoine Petit, c'est qu'il est convaincu qu'il faut favoriser cette continuité entre la recherche au meilleur niveau, la recherche y compris très académique et sur un temps très long. À INRIA, par exemple, on peut constater qu'il y a 50 chercheurs INRIA qui ont obtenu des financements du Conseil européen de la recherche. Donc ça montre qu'on peut avoir de la recherche d'excellent niveau et en même temps aller vers les applications et favoriser une culture, j'ai envie de dire, de l'innovation. Et ça, on a pu le voir par exemple à INRIA avec l'action d'Antoine Petit pour favoriser les possibilités des agents d'INRIA de créer des startups. Vous voyez, tenir ces deux fils dans la même main, l'excellence scientifique d'un côté, sans concession, et puis la recherche d'un impact qui peut être important dans la société. Et en bref, nombre record de médicaments mis sur le marché aux États-Unis l'année dernière, en 2017, une très nette hausse également en Europe. Et le nombre de médicaments homologués en 2017 aux États-Unis n'a jamais été aussi élevé depuis 21 ans. Il y a eu 46 nouveaux produits qui ont eu le feu vert des autorités américaines cette année. C'est plus du double de l'année précédente. En Union européenne, elle, de son côté, a homologué 92 nouveaux médicaments génériques, compris en 2017 contre 81 en 2016. En revanche, la prévalence de l'autisme, elle, est resté stable aux États-Unis également. Oui, après avoir explosé dans les années 70 et en particulier surtout depuis le début des années 2000, la fréquence des troubles autistiques semble avoir atteint une sorte de plateau depuis 2012 et surtout depuis 2014 aux États-Unis selon le réseau JAMA, pour qui l'augmentation constante de ces chiffres jusqu'à cette date peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord le reclassement de certains troubles neurologiques au sein des TCA, la notoriété plus importante de ces troubles et qui a permis un plus grand nombre de diagnostics, mais également des facteurs génétiques et environnementaux. Et pour conclure, comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables et après les nombreux réveillons et nombreux de repas familiaux que nous avons tous dû encaisser plus ou moins les uns les autres ces dernières semaines, selon une étude, Zoé, les hommes mangent plus en présence des femmes pour les impressionner. Effectivement. Alors, est-ce que là encore, c'est une rubrique science incroyable qui vient confirmer des intuitions que vous aviez? Eh bien oui, cette étude menée par les très sérieux chercheurs de l'université Cornell sur 105 hommes adultes de 18 à 81 ans avec le concours d'un délicieux restaurant italien, et oui, il était là dans la Manche, elle confirme cette intuition. Les hommes mangent beaucoup, mais alors beaucoup plus en présence des femmes. 93% de bidins en plus, c'est-à-dire que tout seul, ils ne la finiraient pas. Et là, en général, ils finissent en plus celle de leur compagne pour montrer qu'ils sont là. 86% de salade. Messieurs, c'est très bien. Ce serait un moyen de montrer aux femmes qu'elles sont en bonne santé du point de vue de l'évolution. Les chercheurs suggèrent que voilà, le fait de trop manger montre qu'on a évidemment des capacités à être en bonne santé et à faire des enfants. Kevin Kniffin, le principal auteur de l'étude, rapproche ses résultats d'autres qui ont été obtenus par ailleurs, qui avaient déjà suggéré que le fait de manger des plats très épicés, par exemple, devant des femmes, était beaucoup plus fort pour crâner, justement. Ce serait une sorte de signal qui dit « je suis en bonne santé, je peux m'en sortir, je peux te faire des enfants ». Alors la question est maintenant, suis-je un homme, puisque j'ai tendance à faire la même chose? Eh bien alors, voilà. Ce qui m'inquiète sur ma physionomie de maigrichon, il faut qu'on trouve un accord, Zoé, ça va pas du tout. Un peu de sérieux, reprenons le fil avec Caroline Tourbe, Sylvain Guilbeault, Pierre Carner. Est-ce qu'il y a un sujet qui a retenu votre attention, Caroline, peut-être pour commencer? Plusieurs, sur le dernier, là, ce que je me demande aussi, c'est est-ce qu'ils n'auraient pas tendance à beaucoup plus cuisiner en présence des femmes? Ça, ce serait parfait, non, je pense. Donc elle va faire la pizza, puis après, on la mangera avec eux. Et plus sérieusement, le moratoire qui est levé sur l'étude sur les vaccins, sur les virus, hyper dangereux. On avait fait à Science et Vie, il y a 3 ans, justement, un reportage dans le laboratoire d'où cette histoire est partie dans le Wisconsin. C'est un chercheur qui travaillait sur un virus de la grippe. En gros, un virus de la grippe qui était extrêmement dangereux pour l'espèce humaine, mais pas très contagieux. On avait du mal à le transmettre, heureusement, d'homme à homme. Et il a fait en sorte de le manipuler pour qu'il devienne également extrêmement contagieux. Bref, ça a fait un effet panique dans les laboratoires et puis dans le monde de la recherche. Et c'est de là qu'est parti le moratoire. C'est une bonne nouvelle, quelque part, pour certains chercheurs, c'est vrai, parce que ces recherches-là, elles avaient vraiment une utilité, comme vous le disiez, hein, pour essayer de trouver des solutions. Et puis, c'est quand même inquiétant parce qu'il y a déjà eu, et il y aura encore, on pense, des erreurs, notamment des erreurs dans l'aiguillage de certaines souches qui se retrouvent non pas dans la nature, mais qui vont pouvoir être envoyées d'un laboratoire à un autre, et puis il va y avoir une erreur, et ça ne sera pas exactement dans le bon laboratoire qu'elle va arriver. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut craindre avec la levée de ce moratoire. Donc, est-ce qu'on peut craindre aussi forcément la reprise de recherche militaire qui, elle, n'a d'ailleurs peut-être jamais vraiment arrêtée? Voilà, c'est peut-être là qu'il faut faire le distinguo, c'est qu'on imagine que d'un seul coup, l'armée va pouvoir recommencer à travailler sur des armes biologiques. En fait, elle n'a certainement jamais arrêté de le faire. Surtout que le moratoire, c'est une histoire de financement. En gros, il y a des enveloppes d'argent qui vont pouvoir arriver plus facilement, mais il y en avait de toute façon. Pierre Carnin. Alors moi, pas sur cette question-là, mais sur de manière générale, les deux aspects sur les controverses finalement scientifiques qui ont été discutées, je vais en parler notamment dans ma petite chronique, je trouve que c'est important aussi de montrer que c'est la manière dont la science concerne une certaine hygiène d'elle-même. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est sur cette recherche sur la sphère de Dyson, le même chercheur paraît dans une étude pour, puis contre. C'est justement quelque chose de remarquable, quoi. Oui, Sylvain. Oui, c'est intéressant aussi sur le problème de l'eau. Je crois que c'est un exemple typique du fait que la science, c'est un sujet sur lequel les scientifiques ne sont pas encore arrivés à un consensus. Et effectivement, dans ces domaines-là, vous avez souvent des scientifiques qui sont un peu concurrents et qui se tirent un peu la bourre dans un langage de physicien qu'on a pu entendre dans l'interview. Tout en se servant des travaux des uns des autres, puisque c'est le chercheur suédois qui va donner le contexte du chercheur français. Donc c'est intéressant pour effectivement montrer comment la science avance, et aussi qu'il y a des problèmes très concrets sur l'eau, qui est quand même un liquide qu'on connaît très bien, mais on voit qu'on n'a pas encore tout compris. Oui, qui nous échappe encore pas mal. D'autres réactions, peut-être un mot, Caroline, sur la mise en vente record de médicaments sur le marché américain et sur les marchés américains et européens. Est-ce que c'est un signe des temps? Est-ce qu'il faut l'interpréter d'une certaine façon? Alors, j'ai pas le détail des médicaments qui ont été mis en vente ces derniers temps. Parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Il y a une étude qui a été publiée, si je ne dis pas de bêtises, en septembre, je crois, qui montrait que, notamment dans les médicaments considérés comme extrêmement innovants, il y avait eu beaucoup d'autorisations ces dernières années. Et que le problème, c'est que, encore une fois, j'ai pas l'exacte mémoire. En tout cas, très peu de ces médicaments ont fait la vraie preuve de leur efficacité. Efficacité avant, donc sur les essais cliniques, mais même efficacité dans l'utilisation dans la vie réelle. Donc on est vraiment là sur une espèce de course à l'homologation, une course à la commercialisation, et les critères d'évaluation sont pas forcément là. Oui. Alors justement, ces chiffres sont intéressants, je pouvais pas en donner le détail, mais alors d'une part, ces chiffres s'expliquent notamment aux États-Unis par le fait que beaucoup de médicaments qui devaient être en mise en vente dès premier semestre de 2018, les plus innovants ont été homologués dès fin 2017 pour qu'ils puissent être sur le marché parce qu'il y avait des manques et des trous à certains endroits. Par ailleurs, en Union européenne, on a une hausse qui est visiblement un peu plus banale et qui risque plus ou moins de s'écrouler, parce qu'après il va y avoir un déménagement du bureau qui aujourd'hui homologue les médicaments. Donc il y a une sorte de prévision de ce déménagement en 2019 qui va probablement occasionner des retards. Les laboratoires pharmaceutiques, on va dire vulgairement, envoient le paquet sur 2017 et sur 2018 en prévision d'une baisse. D'accord. Et encore peut-être un mot aussi à Caroline ou Sylvain ou Pierre sur le vraisemblable futur remplaçant d'Alain Fuchs. On parlait autour de cette table, Tania Louis, qui est une participante régulière de cette table ronde, on en parlait avec elle, de la place des femmes dans la science à la tête des institutions scientifiques. Antoine Petit, c'est un profil certes atypique, mais c'est un profil en tout cas sociologiquement similaire au profil des grands directeurs d'entreprises de recherche publique. Sur ce point précisément, je ne vais pas me prononcer. Je sais que c'est en effet un scientifique de renommée, qu'il est à la tête de l'Institut des hautes études de sciences et techniques depuis pas très longtemps. J'ai pas vraiment de commentaires. Je me demande toujours, en effet, quand on aura une nomination de femme, mais on va voir. Sylvain, sur le fait d'un profil d'informaticien à la tête du CNRS. Oui, c'est vrai que je crois avoir aussi me souvenir que Antoine Petit était déjà dans la shortlist pour être déjà président du CNRS lors du précédent mandat. C'est Alain Fuchs qui finalement avait été choisi, mais Antoine Petit était déjà dans les derniers candidats. Donc c'est pas une grande surprise de le voir nommé à ce poste-là. Il reste la question d'Anne Perroche, qui a assuré l'intérim et qui peut-être va conserver des responsabilités à un haut niveau dans le CNRS. Alors bien sûr, pourquoi n'est-elle pas restée? Bon, c'est toujours des affaires politiques qui déterminent ces questions. Et un tout dernier mot aussi, Caroline, sur cette question de la prévalence de l'autisme et sur la stabilité depuis 3 ans. Là aussi, quelles sont les conclusions, les premières conclusions que l'on peut tirer de cette étude épidémiologique? Zoé l'a bien expliqué, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie dans la flambée des chiffres de l'autisme dont on sait que c'est lié à la définition de cette maladie, et puis du coup, une fois qu'il y a eu des définitions qui se sont précisées, à la recherche des personnes qui correspondent à cette définition. Donc il y a vraiment eu un effet diagnostique, mais il n'y a pas que ça. On a vu quand même, on a eu l'impression que même en prenant cet effet diagnostique, on avait quand même une partie de l'augmentation qui ne s'expliquait pas, et du coup les recherches pour tout ce qui est environnemental sur l'autisme sont foisonnantes. Il y a beaucoup, beaucoup de pistes. Ça va de la pollution à l'alimentation. Il y a beaucoup de choses aussi pour ce qui est in utero, donc pendant la grossesse. La mère pourrait être exposée à des infections ou à des pollutions, comme je disais. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont là. Et le fait que ce soit stabilisé, c'est possiblement en effet que cet effet diagnostic. Diagnostic statistique. Pierre ? Alors, espérons notamment que ça a un impact sur les théories conspirationnistes autour des vaccins et que ça pourrait rassurer d'une certaine manière en comparant justement avec l'offre des vaccins qui augmente. Vous faites bien de parler de vaccins puisque précisément nous allons relancer toutes les théories conspirationnistes à l'instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, le premier sujet de ce tour de table va être un sujet apaisé qui ne va pas manquer de donner du grain à moudre à qui a le moulin pour le moudre, puisque nous allons précisément parler des vaccins, comme je vous le disais à l'instant, et dangerosité des vaccins grâce à vous, Caroline, qui êtes l'agent de la zizanie dans les foyers français qui nous écoute. Plus sérieusement, vous voulez évoquer l'impossible éradication de la poliomyélite, une éradication qui est rendue paradoxalement impossible en partie à cause d'une certaine forme de vaccination. Alors, impossible, ça c'est vous qui le dites. Nous on dit difficile, on dit casse-tête. En fait, il y a plusieurs solutions quand on parle des vaccins. Soit on en dit que du bien, et voilà, soit on en dit que du mal, soit on essaye de répondre à la complexité de cet outil de santé publique, le vaccin. Et donc là, dans le cadre de la poliomyélite, ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs choses à savoir. Il y a un programme actuel, un programme mondial, en effet, qui vise à éradiquer le virus de la poliomyélite. Comme ça a été le cas, grande réussite de la vaccination, médecine, voilà, du XXe siècle, 1980, officiellement, éradication de la variole. Autrement dit, il n'y a plus de virus circulant de la variole. Autrement dit, l'être humain, l'espèce humaine est définitivement protégée contre la variole grâce au vaccin, à l'augmentation aussi, à l'amélioration des qualités de vie et l'amélioration de l'hygiène. Mais le vaccin a été vraiment l'élément déterminant. On s'est débarrassé de la variole et donc on est en train d'essayer de se débarrasser de la poliomyélite. Voilà pour la très belle histoire. Le programme, cette campagne d'éradication, elle est lancée en 1988. Voilà, par l'OMS. Par l'OMS. À l'époque, on a 350 000 cas de paralysie dans le monde, à peu près, en tout cas, référencés. Là, actuellement, vous le disiez, 99,99% de cas en moins. On est autour de entre 20 et 10 ces dernières années de cas de paralysie dans le monde, référencés. Tout est très suivi. Donc, c'est déjà énorme. Et donc, on pourrait se dire, c'est plié, ça y est, on y est. Et c'est là que c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il faut rappeler, Caroline, tout de même, parce qu'effectivement, la polio, en France, les derniers cas endogènes remontent à plus de 20 ans. Qu'est-ce que c'est que la polio? Alors, la poliomyélite, c'est un virus, donc c'est une maladie très contagieuse. Elle s'attrape quand on entre en contact avec une personne infectée ou par les eaux souillées. C'est aussi une maladie, donc c'est celle qui provoquait des paralysies. Vous savez, dans les années 50 encore, quand il y avait des vrais foyers épidémiques en France, il y a des enfants qui ont contracté la poliomyélite et qui sont restés paralysés à vie. Ça peut aussi amener jusqu'à la mort. Donc c'est une maladie qui touche l'enfant essentiellement, les enfants. Voilà, et qui est extrêmement dangereuse. Voilà, extrêmement dangereuse. Donc nous, on l'a oublié en France souvent. Ça reste quand même le vaccin contre la poliomyélite, l'un des 3 vaccins historiquement obligatoires. Alors là, on le sait tous, à partir de cette année, il va y en avoir 11 qui seront obligatoires, mais la polio était déjà obligatoire avant. Donc voilà, cette maladie-là, c'est une maladie grave dont justement l'OMS, les organisations mondiales de la santé, ont estimé qu'il était important et possible de se débarrasser définitivement à la surface de la planète. Alors, question de Béotien, puisqu'on est à 99,99%, on pourrait dire que 10-20 cas, finalement, c'est plus grand-chose, la maladie va s'éteindre d'elle-même. Pourquoi est-ce qu'on continue à vacciner en France contre la poliomyélite, puisqu'il n'y a plus un seul cas depuis 20 ans? Voilà, alors on est vraiment dans le cas d'une lutte pour éradiquer une maladie. On continue à se vacciner contre la poliomyélite parce qu'on espère et on veut se débarrasser du virus. Si on arrêtait en France, ou dans des pays où on est extrêmement bien vacciné, clairement, ce qui pourrait se passer, les modélisations montrent que si dans les pays où la vaccination, elle, n'est pas encore parfaite, ça pourrait faire naître de nouveaux foyers. Les voyages étant ce qu'ils sont, les voyages intercontinentaux étant ce qu'ils sont, on pourrait tout à fait se retrouver en France ou dans des pays où la vaccination serait de nouveau descendue, pas plus suffisamment partagée par la population, avec des foyers. C'est tout à fait possible. Donc on continue à vacciner en France contre une maladie dont a priori on a l'impression d'être débarrassé parce que le virus continue à circuler ailleurs dans le monde. Et on a un exemple très très précis de ça, au Nigeria, qui a interrompu la vaccination contre la polio entre 2002 et 2005, et ça a conduit à la réapparition de la maladie dans 18 pays alentour. Exactement, 18 pays alentour. Et puis plus proche de nous, en Europe, il y a un pays actuellement qui est redevenu un pays à risque de contamination pour la poliomyélite, c'est l'Ukraine, parce que ces dernières années, le système de santé a été évidemment totalement désorganisé à cause du conflit. Résultat des courses, des enfants n'ont pas été vaccinés, des rappels n'ont pas été faits. Bref, en tout cas, il est possible en Ukraine d'avoir un foyer qui pourrait se réinstaller, typiquement partant des pays dans lesquels la course à la fin du virus, à l'éradication, a du mal à se terminer, ou le dernier kilomètre un peu, si on a du mal à se faire. C'est un marathon et on est dans les derniers kilomètres et on a vraiment du mal à y arriver. Alors là, à l'heure actuelle, les pays touchés, vous l'avez dit, hein, c'est évidemment lié aux conditions de vie, à l'accès à de l'eau potable. Donc on sera peu surpris de savoir que parmi les deux, trois pays dans lesquels il reste des cas endémiques, eh bien, c'est l'Afghanistan, le Pakistan. Les pays à risque sont la Syrie, la Somalie, c'est-à-dire des pays en guerre, des pays où on a du mal à avoir une couverture vaccinale ou avoir une politique de santé avec un État fort. Oui, c'est ça. Et c'est d'autant plus complexe avec la polio que le vaccin qui est utilisé pour éradiquer la poliomyélite est un vaccin qui est extrêmement bien adapté à des pays comme cela. Donc c'est un vaccin qui est oral, c'est-à-dire en fait c'est des gouttes de liquide, il n'y a pas d'injection, donc ça peut être donné par une aide-soignante, pas besoin d'un médecin, pas besoin de tout un système aussi pour livrer ces vaccins dans des zones complexes. Donc il est bien, il est très protecteur et il permet aussi, il n'est pas très cher, donc on peut le diffuser largement. Mais le problème de ce vaccin, c'est qu'il provoque des accidents vaccinaux, plus que les vaccins que nous utilisons, nous, qui sont des vaccins injectables contre la polio, beaucoup plus. Oui, il faut préciser que ce vaccin oral, il n'est plus commercialisé en France depuis les années 80. Non, voilà. Ouais. Nous, on utilise un autre vaccin qui est injecté, qui est très sûr. Beaucoup plus cher, par ailleurs. Beaucoup plus cher, très sûr, qui... très protecteur, qui a juste un petit souci. Alors c'est un peu compliqué, mais écoutez-moi, ça vaut le coup. C'est que ce vaccin que nous utilisons, nous, il nous empêche de développer la maladie, nous empêche de tomber malade, d'avoir notre système nerveux attaqué. Par contre, il n'empêche pas le virus de transiter dans nos intestins, de se répliquer et puis d'aller à l'autre bout du tuyau, en gros, d'aller dans les eaux souillées ensuite. Voilà, c'est pas gênant chez nous puisque tout le monde est vacciné, tout le monde est protégé. Ce vaccin est très efficace et il est sûr. Dans les pays dont je vous ai parlé, où c'est un vaccin qui est oral, donc on avale le vaccin, c'est intéressant parce que ça protège les personnes contre la maladie, contre les paralysies et contre la circulation du virus à l'intérieur des intestins. Donc il n'y a pas de nouveau de dissémination dans l'environnement. Mais le problème, c'est donc qu'il provoque des accidents vaccinaux et aussi, et comme il est fabriqué à partir d'un virus pas totalement tué mais simplement atténué, en gros il est beaucoup moins méchant, suffisamment pour provoquer une réaction immunitaire mais ne fait pas tomber malade la personne vaccinée, parfois certaines souches sont évacuées, donc on avale le vaccin est avalé, le virus est avalé, il ressort dans l'environnement, il y a eu des mutations de ces souches vaccinales qui ont eu lieu et les virus sont redevenus virulents. Donc tout ça pour dire, on est sur des quelques cas, on est sur des quelques dizaines de cas, mais ce qui se passe c'est que le fait de vacciner des populations peut provoquer des infections. Et des réapparitions de foyers. Et des réapparitions. Et c'était le cas avant. Le problème, c'est qu'il y a tellement plus de cas sauvages. C'est-à-dire qu'on est tellement arrivé à tenir loin le virus de la population grâce au vaccin que ces quelques cas liés au vaccin font d'autant plus une grosse bosse sous un tapis. Vous voyez, on est vraiment arrivé à un moment, typiquement ou statistiquement, en proportion, on a l'impression que le vaccin va faire plus de dégâts, et je mets des gros guillemets parce que, encore une fois, le but de tout ça, c'est l'éradication. Donc on a cette impression-là. Ça, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça a été le cas avec la variole. On est arrivé au bout et à l'éradication totale, mais il y a vraiment eu un moment où, en effet, il y avait plus de personnes qui étaient touchées par des accidents vaccinaux que par des infections sauvages. Statistiquement, parce que si on regarde statistiquement, effectivement, si tout le monde est protégé, si 99,9% de la population, d'un seul coup, les accidents vaccinaux apparaissent, ressortissent. Voilà, quand on n'a plus que quelques petites dizaines de cas, facilement, on a l'impression que, en proportion. Il faut rappeler qu'on parle de 1 cas pour 4 millions, ou de 2 cas pour 4 millions. Oui, c'est vraiment très peu. Mais en effet, comme on est arrivé à très peu de cas dans le monde, ça se voit. Alors, pourquoi ça c'est un problème? C'est que, globalement, la méfiance envers les vaccins, on l'a subi en Occident, mais pas que. Dans d'autres pays, typiquement Pakistan, Afghanistan, pour des raisons religieuses, il y a un rejet des campagnes de vaccination, pour des raisons politiques également, parce que c'est un instrument, on estime que c'est un instrument qui est parfois utilisé par l'armée pour aller dans des territoires dans lesquels normalement elle n'a pas accès. Enfin bref, il y a eu des tas d'histoires comme ça autour de ça. Bref, il y a un rejet de la vaccination, donc des populations qui ne sont pas totalement protégées, donc des foyers potentiels. Donc il faut tout le temps continuer. Ces derniers kilomètres sur l'éradication de la polio, ça paraît tellement compliqué. C'est ce qu'on explique dans le papier. C'est ce que Lise Barnéou, qui est l'auteur du papier, avec laquelle on travaille beaucoup. Et que nous avions reçu ici avec vous-même pour parler de la vaccination. Voilà, on a fait une hors-série sur les vaccins, Science et Vie, exactement. Elle explique bien que le problème, c'est qu'avec ce tout dernier kilomètre, il commence à même à y avoir des gens qui disent, en gros, on s'épuise. On épuise les financements. On épuise un espoir auquel on ne va jamais réussir à arriver parce qu'on ne va pas réussir à faire adhérer tout le monde, que le virus, en plus, d'un point de vue biologique, il a un comportement un peu plus compliqué que la variole puisqu'il peut, lui, survivre dans les eaux souillées pendant plusieurs mois. Donc, on a plus de risques d'être contaminé. Donc, voilà, certaines personnes commencent à dire que peut-être que l'éradication n'est plus l'objectif qu'il faudrait avoir. Ce n'est pas ce que dit l'OMS. L'OMS continue à dire « éradication ». On y arrivera, continuons. Voilà, on est vraiment là, ça vire au casse-tête. Mais alors, justement, face à ce cercle vicieux, face à ces pays où il est difficile d'obtenir une couverture vaccinale optimale, est-ce qu'il y a des solutions envisagées? Est-ce qu'il faut recourir à nouveau au vaccin à la piqûre, au vaccin intradermique, au lieu de ce vaccin oral? Est-ce qu'il faut dire finalement pourquoi on se bat, comme vous venez de le dire, pour 10, 20 cas par an? Et pourquoi est-ce qu'on continue à déployer autant d'efforts et à engranger autant d'argent? Est-ce qu'il ne faudrait pas répartir cet argent sur d'autres types de recherches et d'autres types de maladies? Quelle est la solution, Caroline? Lise Barnéou a interviewé une spécialiste de la polio à Médecins Sans Frontières, par exemple, qui dit en gros, si on arrête, mettons qu'on arrête de courir après l'éradication, on va se retrouver avec de la casse, quoi, parce qu'il va y avoir des gens qui vont se retrouver infectés avec des enfants qui tomberont malades, mais peut-être que du coup ça va redonner une crédibilité au vaccin et qu'on aura de nouveau une adhésion. Alors ça peut paraître un peu cynique, c'est pas du tout la position de cette chercheuse, hein, mais c'est vraiment une solution complexe. Et l'injection dont vous parliez est en effet une possibilité. On pourrait faire à la fois le vaccin oral, les quelques gouttes dans la bouche, plus des injections pour arriver vraiment à faire un tapis suffisamment épais pour protéger la population mondiale contre le virus. Pierre Carner, une réaction. Ce qui m'intéresse, c'est surtout pourquoi justement il y a eu un succès de ce vaccin pour la polio, pour en arriver jusque-là. Est-ce que c'est lié justement à quelque chose qui était similaire avec les campagnes de vaccination de la variole? Est-ce que c'était lié au fait que je crois que le créateur de ce vaccin, pour la première fois, n'avait pas breveté ce vaccin, ce qui a permis de l'épancher très très rapidement la population? Qu'est-ce qui explique le succès, certes très très mitigé pour la dernière ligne droite, mais de cette campagne-là? Alors, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une histoire d'argent. C'est vrai que le vaccin oral, il est vraiment pas cher et que ça facilite les choses pour distribuer des doses. Et puis, il y a quand même clairement l'investissement financier de l'OMS. C'est-à-dire qu'en 88, quand l'OMS décide, donc 1980, c'est officiel, on s'est débarrassé de la variole sur la surface de la planète. 88, on décide de s'attaquer à la polio. Il y a eu vraiment un financement et un enthousiasme. Il y a eu un enthousiasme, il y a eu des fonds, une adhésion à ce projet-là. On était vraiment à la fin du XXe siècle dans encore une adhésion au projet vaccinal très forte. Donc il y a vraiment eu ça. Ça nous a permis d'arriver à plus de 300 000 cas à quelques dizaines. C'est ça qui a été, c'est ça qui l'a permis. Cette dernière ligne droite, elle s'inscrit en effet dans un moment où le contexte et la confiance a beaucoup, beaucoup diminué. Et c'est d'ailleurs lié à la réussite vaccinale. C'est-à-dire qu'on vaccine bien, on est moins malade, on oublie les maladies, on commence à douter des vaccins. La méthode scientifique, Nicolas Martin. We're coming from the woods. We are coming from the sea. Nous venons de la mer du groupe Ocean, puisque nous allons y plonger dans la mer à 16h36, dans la méthode scientifique. Nous venons de la mer, puisque c'est notre plus vieil ancêtre commun à nous tous, humains, éléphants, mygales, écureuils, roux, grands requins blancs, bref. La base de l'arbre géologique de tous les animaux, c'est l'éponge. C'est une vieille controverse évolutionniste qui vient d'être résolue. Et pour aller au plus près de l'information, Pierre Kerner, vous revenez des Bahamas avec un bronzage insolent. Alors non, pas du tout. Malheureusement, moi je suis resté dans la région Touraine, donc très très très très pas l'eau. On va discuter justement de cette controverse pour laquelle je donnerai mon avis. À mon avis, c'est pas fini. Mais tout d'abord, peut-être un petit peu une mise en compte. Texte. Donc la phylogénétique, c'est le thème de cette controverse, c'est de déterminer qui parmi les espèces vivantes constitue nos plus lointains cousins dans l'arbre de parenté des animaux, et le but étant notamment d'aider à dresser un portrait robot relativement fidèle du dernier ancêtre commun de ces animaux. Alors pour justement, vous évoquez certains noms d'espèces pour les animaux. Il y a, on peut parler des mammifères, des oiseaux, des reptiles, mais aussi des crustacés, des insectes. Tous ces animaux-là, que je viens de citer, appartiennent à un groupe qui s'appelle les bilatériens. Ils sont notamment caractérisés par une symétrie bilatérale, c'est-à-dire qu'on est capable de voir un côté gauche, un côté droit. Il y a d'autres animaux aussi, comme par exemple les anémones, les méduses ou encore les coraux, qui appartiennent au groupe des cnidaires et qui, eux, possèdent une symétrie radiale. Et enfin, les deux prétendants au poste de plus lointain cousin du reste des animaux. D'un côté, la team éponge, donc environ 15 000 espèces d'animaux structurellement assez simples, qui ne font que pomper l'eau, qui n'ont pas de symétrie, qui n'ont pas de système nerveux, qui n'ont pas de musculature. Et de l'autre, des animaux très étranges qu'on appelle les cténophores. Si je devais leur donner une petite description, ça ressemble à des boules gélatineuses recouvertes de cils iridescents. Je sais que vous êtes fan de science-fiction, Nicolas Martin, et donc vous n'avez pas manqué de voir le film de James Cameron, The Abyss, dans lequel il y a des extraterrestres sous-marins qui ont été notamment inspirés par le design des cténophores. Et c'est ces cténophores qui tenaient jusqu'à présent le fil, entre guillemets, de plus vieil ancêtre commun. Alors, de plus vieil ancêtre commun, en tout cas de du monde animal, on parle bien du monde animal et on fera le distinguo tout à l'heure. Tout à fait, donc du plus lointain cousin du reste des animaux. Alors, pour pouvoir comprendre comment ils sont arrivés à résurgir dans cette position-là, il faut d'abord comprendre comment on établit ces relations de parenté. Donc, on réalise des arbres dits phylogénétiques. Il y a longtemps, on les faisait sur des caractères morphologiques, mais c'est très très difficile, notamment quand on travaille avec des animaux qui ressemblent un peu grosso. qui ressemble à des éponges, quoi. Voilà. Voilà, tout le monde qui a fait un peu de plongée, c'est qu'une éponge ressemble beaucoup à une autre éponge et vice versa. Et donc, à l'heure actuelle, on utilise plutôt des critères moléculaires, un peu. Vous pouvez imaginer l'impact que ça a eu sur justement la révolution phylogénétique en voyant l'efficacité des tests d'ADN de paternité. C'est très très efficace. Mais quand on pose des questions de ce qui s'est passé il y a 500 millions d'années, ça reste problématique. Il y a notamment trois critères qui influent grandement sur la qualité de ce genre d'études. Les espèces échantillonnées, le type de séquences qui sont employées pour établir ces arbres phylogénétiques et enfin les modèles d'évolution moléculaire qui sont employés. Alors, au début du XXIe siècle, pas de doute, ce sont bien les éponges, position classique, qui sont les plus lointains cousins du reste des animaux. Mais paf, en 2008, un pavé tombe dans la soupe phylogénétique. Une équipe qui emploie pour la première fois des génomes de plein d'animaux arrive à cette conclusion. Ce sont en fait les cténophores, qui sont donc avec un système nerveux, qui sont doués de mouvements, qui seraient nos plus lointains cousins. Ça pose énormément de questions. Bien entendu, c'est immédiatement contredit par d'autres équipes. Et cela fait maintenant 10 ans qu'on rentre dans une controverse phylogénétique dont, en 2017, on a goûté le dernier millésime et qui était fort, fort intéressant. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir que cette question, ça pose des questions en termes d'évolution beaucoup plus larges, puisque vous avez mentionné l'apparition d'un système nerveux qui n'existe pas sur les éponges. Donc, du coup, on a fait des bascules en disant, oui, mais les éponges ont désévolué, elles ont réévolué. Enfin, ça interroge vraiment la création, la spécialisation des cellules, l'apparition des tissus musculaires, des tissus nerveux. Exactement. En fait, la position cruciale, que ce soit des éponges ou des cténophores comme plus lointains ancêtres du reste des animaux, pose la question du portrait robot de cet ancêtre commun putatif. Parce que ce sont les cténophores qui occupent cette position, eh bien on imagine que du point de vue des éponges, il y a eu une perte du système nerveux, de la musculature, et donc que l'ancêtre possédait ces caractéristiques qui ont été perdues à l'envers. Ensuite, par contre, si ce sont les éponges, là on voit qu'il y a eu une acquisition du système nerveux au moment l'apparition du groupe commun entre les cténophores et le reste des animaux, ce qui est d'une certaine manière plus progressif. Mais des accidents, on en connaît très très bien dans l'évolution, et donc là la question c'est quel est le scénario à privilégier. Alors en 2017, justement, il y a eu 5 publications particulièrement importantes. La première, Team Éponge, qui dit, on est à peu près sûr, en utilisant de nouveaux modèles et de nouveaux séquences tirées de génomes d'éponges, que ce sont bien eux les plus lointains cousins. Ensuite, arrive nécessairement un article contredisant ces résultats. Puis, en novembre 2017, dans la revue Nature, Ecology and Evolution, 27 espèces différentes de cténophores ont été échantillonnées pour arriver de nouveau à positionner les cténophores comme plus lointains cousins. Et enfin, là, le dernier, en décembre, encore une fois, un coup du camp éponge, mais qui, pour cette fois-ci, a testé les modèles et justement discuté de la robustesse des modèles employés pour pouvoir faire ces reconstructions phylogénétiques. Alors, moi, je reviens sur ce énième rebondissement de ces controverses, notamment pour discuter du fait que la plupart des auteurs qui ont écrit ces articles ont quasi systématiquement dit qu'on avait le dernier mot à cette controverse, notamment le dernier en date, Gert Verheyde. Alors, que penser de tout ça? Selon moi, il y a deux effets assez pervers. C'est que, d'une part, parce que c'est des auteurs aux égos assez gonflés, il y a généralement cette communication qui passe par les médias du fait que on a en face une parution comme étant la réponse ultime et définitive. Je discuterai ça comme quelque chose de très très peu probable. Et enfin, malheureusement, s'accompagne un lot de titres problématique dans l'apparition dans les médias suite à ce genre d'articles. Notamment, là je reprends un titre de l'AFP qui a été repris notamment sur Science et Avenir. Parmi les animaux vivants, l'éponge de mer est notre plus vieil ancêtre. Ça c'est fou. Et ça c'est très très important de le discuter parce que non, que ce soit l'éponge ou le cténophore, on n'est jamais en présence d'un ancêtre de tous les animaux quand on discute une espèce actuelle. Puisqu'une espèce actuelle ne peut pas être l'ancêtre d'une espèce du reste des animaux. En fait, ce que établissent les phylogénéticiens, c'est un portrait robot d'un ancêtre commun en essayant d'émettre des hypothèses sur telle ou telle caractéristique. On essaie de savoir à quoi ressemblait et on peut à la limite dire que tel ancêtre ressemblait à un animal actuel. Point. On ne pourra pas jamais dire que telle espèce actuelle est l'ancêtre de tous les animaux. Et puis sinon, il y a un effet autre pervers, c'est les débats stériles qu'on voit. On peut s'imaginer que c'est un débat aussi du même acabit que pain au chocolat contre chocolatine. Hein. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, mais c'est pas vraiment le cas en fait, parce que comme je le discutais tout à l'heure, lorsqu'il y a une controverse en science, il y a nécessairement un bénéfice qui peut être obtenu. Et notamment, à chaque fois, on améliore soit les échantillonnages, soit les méthodes de construction, soit les modèles qui sont utilisés. Et donc, là, on bénéficie de nouveaux séquençages de génome, que ce soit des éponges, des cténophores, de nouvelles manières de procéder et surtout des modèles de plus en plus robustes. Donc, à terme, on trouvera une réponse à cette question, notamment parce qu'on a fait progresser la science. Et il y a aussi quelque chose qui est quand même assez important, c'est de remarquer qu'à chaque fois on travaille sur des éponges et des cténophores, on augmente nos connaissances là-dessus. Il faut savoir que, d'une part, c'est bien, parce que si on essaie d'avoir un portrait robot fidèle, autant savoir à quoi correspondent les éponges et que sont les cténophores. Et d'autre part, bah, on partage nos océans avec ces animaux qui ont un rôle prépondérant dans les écosystèmes. Donc espérons qu'on pourra en savoir plus grâce à ces études-là. Mais ça veut dire, Pierre, que ces dernières études qui datent du mois de décembre, ce dernier modèle, selon vous, il est suffisamment robuste pour être un modèle définitif, ou est-ce qu'il amène à encore d'autres types de contre-expertise, d'autres échantillonnage plus fin, plus précis sur les cténophores en termes de phylogénomique, comment vous l'envisagez ? Alors, pour moi, c'est une question qui est très très intéressante. Et les arguments qui sont parus dans la dernière publication sont très robustes, dans le sens où les modèles ont été testés sur de très nombreux jeux de données et amènent à vraiment une réflexion sur quels sont les modèles à privilégier. Le problème, c'est que le modèle qui a été privilégié réduit la quantité de données qui est étudiée. Or, bah, certains, notamment Casey Dunn, qui participe à la plupart des publications de 2008 sur la position des cténophores, a discuté sur le fait que si on réduit le nombre de données, il faut compenser en augmentant l'échantillonnage. Donc, moi, je serais plutôt partant pour le fait d'être prudent. C'est très probable que ce soit l'éponge. Les modèles, à l'heure actuelle, sont très intéressants. Essayons d'avoir un échantillonnage plus grand, de tester ces modèles dessus, et peut-être qu'on aura une réponse définitive, mais pas pour l'instant. Et en 2018, il ne déroge pas à la règle des reins qu'il s'est lui-même imposée, d'ailleurs pour on ne sait pas trop quelle raison, vulgariser en une poignée de minutes un sujet qui demanderait à lui seul plusieurs émissions. C'est donc une nouvelle année de Mission Impossible que nous promet Sylvain Gimfels-Guilbeault. Et aujourd'hui, Sylvain, votre mission, si vous l'acceptez, est de nous expliquer l'Internet quantique et comment la Chine a pris dans le domaine une bonne longueur d'avance. Vous avez 11 minutes, bon courage Jim. Oui, merci Nicolas. Donc mission acceptée, mais est-ce que vous êtes sûr que la ligne est sûre ? Parce que je vais vous parler de cryptographie. Vous savez que dans Mission Impossible, la sûreté de la ligne est toujours très importante, puisque le message s'autodétruit à la fin. Vous savez, la cryptographie, c'est l'art de transmettre, de chiffrer, de déchiffrer des informations, des messages de manière sûre. Et dans ce domaine-là, la cryptographie quantique, c'est donc l'art de faire ça grâce aux lois de la physique quantique. Et cette année 2017, c'est vrai que un des faits marquants qui nous a marqué au magazine La Recherche, c'est effectivement les réalisations de la Chine dans ce domaine-là, puisqu'ils ont envoyé fin 2016 dans l'espace un satellite grâce auquel ils ont pu faire de ce qu'on appelle la distribution de clés quantiques depuis entre l'espace et la Terre. Et ils ont ensuite utilisé cette clé pour sécuriser une transmission, un message. Alors je vais alléger un peu votre tâche, parce que je vais renvoyer les auditeurs pour tout comprendre sur Alice, Bob et Eve et la cryptographie quantique à l'émission que nous y avions consacré une heure entière, ce qui vous soulage un peu d'avoir à expliquer tous les principes de la cryptographie quantique. Mais effectivement, la Chine est très en avance et c'est intéressant parce qu'elle est en train de mettre en place un réseau hybride satellitaire et terrestre. Effectivement, en fait, les Chinois non seulement ont mis en place ce système de distribution de clés quantiques, mais ils ont aussi fait ce qu'on appelle de la téléportation quantique de l'état d'un photon sur Terre depuis un photon sur un photon de ce satellite. Donc c'est pas une première, on a déjà fait ça dans d'autres expériences, mais là ils ont vraiment surpassé les records au moins d'un facteur 10. Ils ont fait d'autres choses, ils ont fait ce qu'on appelle de la distribution d'intrication depuis ce satellite sur deux stations différentes sur Terre. Ils ont aussi mis en place le réseau donc de fibres optiques que vous mentionnez dans ce système hybride. Alors c'est pas encore hybride parce que pour l'instant ce système de réseau fibré est indépendant encore du satellite, mais à terme il pourrait éventuellement faire de la communication quantique satellite puis fibré, coupler les deux. Donc, réseau de fibres entre Shanghai et Pékin. Entre Shanghai et Pékin. Kilomètres. Voilà, presque 2000 km. Donc c'est quelque chose qui pour l'instant n'a été fait que sur des centaines de kilomètres. Bon, après, c'est pas un réseau complètement quantique. Hein. Il y a quelques relais qui sont classiques entre les deux. Mais... Il faut peut-être expliquer pourquoi. Il faut expliquer qu'en deux mots, il est impossible ou très difficile d'amplifier un signal. Voilà, en fait, la physique quantique a un théorème qui dit qu'on ne peut pas dupliquer un état d'une particule et retransmettre. Donc, ça serait utile parce que dans les fibres optiques, le signal s'atténue au fur et à mesure. Au bout de 100 km, quasiment plus rien ne passe. En communication classique, ça ne pose aucun problème puisqu'il suffit de mettre un amplificateur, on amplifie les photons, on injecte un grand nombre de photons qui sont simplement des copies des photons qui préexistaient. C'est impossible en physique quantique puisque en faisant ça, on perd complètement l'information quantique portée par ces photons. Elle est détruite. Donc, alors, ça peut être utile quand on fait de la communication quantique parce que du coup, ça permet d'empêcher un espion de copier les photons qui transmettent le message. Mais d'un autre côté, ça empêche de faire des amplificateurs quantiques. Et donc, ça oblige à implémenter ce qu'on appelle des répéteurs quantiques qui sont pas encore au point. Et c'est pour ça que dans ce réseau fibré chinois, il y a des relais classiques où entre les segments de transmission quantique, il y a des stations qui transforment la clé quantique en clé classique, puis la réinjectent en clé quantique sur le segment suivant. Mais pour préciser ce qu'on entend par distribution de clés quantiques, parce que c'est le cœur de ce système, c'est en fait si je veux vous transmettre un message, Nicolas. Mm-hmm. Alors là, je sais que beaucoup de personnes nous écoutent, donc je vais transmettre un message de peu d'importance, en tout cas de peu de valeur scientifique. Bonne année, Nicolas. Merci, Sylvain. Mais alors, ce message, si je veux le chiffrer, la cryptographie quantique en fait ne concerne pas le chiffrage de ce message. C'est-à-dire, pour chiffrer un message, vous le transformez en une suite de caractères qui n'a plus aucune signification. Pour ça, vous utilisez une clé, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1, que vous additionnez à ce message et qui le transforme. Je vous l'envoie, personne ne peut comprendre, sauf si vous disposez de la même clé que moi j'ai utilisée pour le déchiffrer. Dans ce cas-là, vous faites l'opération inverse de la mienne et vous récupérez le message. Le problème, c'est que donc ça, ce cryptage, il est complètement classique. Le problème, c'est qu'il faut partager la clé de manière sûre. En plus, il faut que cette clé soit complètement aléatoire et qu'elle ne soit utilisée qu'une seule fois. C'est pour ça que le message s'autodétruit dans Mission Impossible. Puisque si on ne respecte pas ces deux conditions, aléatoire et utilisée une seule fois, alors avec des analyses statistiques sur plusieurs messages, un espion peut casser statistiquement les codes. Et historiquement, c'est ce qui s'est fait avec tous les codes secrets. Notamment Enigma, lors de la Seconde Guerre mondiale, a été cassé grâce à des telles analyses statistiques. Et bien sûr, le point principal, c'est se partager la clé de manière sûre entre les deux parties. Et donc ça, bien sûr, un moyen simple de le faire, ça serait Nicolas, entre le magazine La Recherche et la maison de la radio. Je vous envoie un coursier de confiance doté d'une mallette sécurisée menottée à son poignet qui contient les clés secrètes que nous utiliserons pour nos prochaines correspondances. Voilà, comme ça, je suis sûr de cette personne, elle vous transmet les clés. L'inconvénient, c'est que ça pose de gros problèmes de logistique quand on doit établir des clés secrètes entre un très grand nombre de personnes. Et en plus, ça pose des problèmes de confiance avec, bien sûr, les coursiers qui... Alors, ça pose des problèmes-là. Après, ça fait des très bons scénarios pour Mission Impossible aussi. Mais ça fait cher le message de bonne année aussi. Voilà. C'est pour ça, en fait, dans les années 70, on a développé ce qu'on appelle des systèmes de clés publiques, RSA, qui est encore massivement utilisé sur Internet aujourd'hui. Et en fait, donc, cette fois, on transmet la clé. Plus besoin de canaux secrets pour transmettre la clé. La clé est transmise publiquement. Et la sécurité est garantie seulement par la difficulté mathématique de factoriser, c'est-à-dire de réduire le grand nombre que constitue cette clé en plusieurs petits nombres, et c'est seulement ces petits nombres qui sont utiles pour décoder le message. Et ça, c'est des opérations mathématiques qui demandent tellement de calculs qu'en pratique, c'est impossible de casser le message. C'est plus long que l'âge de l'univers avec l'ordinateur le plus puissant du monde. Ouais, sauf des ordinateurs quantiques. Voilà, alors les ordinateurs quantiques sont encore très lointains, mais bien sûr, si on les possédait, on pourrait casser ces codes. Donc c'est pour ça que des méthodes sont envisagées pour sécuriser les connexions. Donc revenir à un échange de clés secrètes, mais en se passant des coursiers à mallette. Et donc c'est là qu'intervient la distribution de clés quantiques, puisque la mécanique quantique possède des lois. Donc cette fois, la sécurité va non pas reposer sur la difficulté calculatoire d'un problème, mais vraiment sur les lois de la physique quantique. Et donc ces lois, elles sont au nombre de deux. La première, je l'ai déjà dit, c'était on ne peut pas cloner un photon ou n'importe quelle particule quantique qui transmet l'information. Donc, un éventuel espion ne va pas pouvoir simplement récupérer ce photon et le copier et le renvoyer incognito. Ça, c'est impossible. Et l'autre caractéristique, c'est que lorsque vous mesurez une particule quantique, le résultat est aléatoire. Et je vous disais que pour une importance cruciale pour une clé quantique sûre, pour une clé même secrète sûre, c'est le caractère aléatoire des bits qui la composent. Donc en fait, Nicolas, pour vous transmettre le message « bonne année » de manière secrète, je vais d'abord vous envoyer une clé secrète. Et cette clé secrète, on va la construire bit après bit. Je vais vous envoyer des photons et on va faire des mesures de polarisation sur ces photons. Comme elles sont aléatoires, nous allons obtenir des bits aléatoires. Mmh. Sauf si, dans certains cas, ces bits vont correspondre et entre nos deux mesures. Et dans ces cas-là, on va utiliser ces bits-là pour construire notre clé. Et donc ça, c'est la façon dont on fait de la cryptographie quantique et dont c'est ce qu'ont fait les Chinois entre le satellite et la Terre. Alors le satellite est situé à 500 km d'altitude. Il faut imaginer que le satellite se déplace tout autour de la Terre, qu'il y a plusieurs stations au sol en Chine et aussi en Europe, notamment en Autriche, puisque c'est là qu'a été faite la preuve de concept entre la Chine et l'Autriche. Donc quand le satellite survole la station chinoise, il s'échange des photons entre le sol et le satellite pour créer une clé secrète entre le satellite et la station chinoise. Puis ensuite, le satellite continue sa course, passe ensuite devant la station, au-dessus de la station autrichienne. Même processus, si les deux s'échangent des photons pour construire une clé secrète. Dans ce cas-là, on se retrouve avec deux clés secrètes qu'il est assez facile de combiner entre elles pour créer une clé secrète entre la station autrichienne et la station chinoise. Et c'est ensuite avec cette clé secrète qu'on peut établir une connexion sécurisée entre la Chine et l'Autriche. Et c'est ce que les scientifiques ont publié en septembre dernier. Ils ont pu sécuriser une conférence vidéo entre Pékin et Vienne. Oui. Voilà. Un mot très très rapide, Sylvain, pour conclure. On voit bien, évidemment, l'intérêt stratégique de la course de la Chine à la cryptographie quantique, puisque comme vous venez de le dire, dès lors que l'on devient maître de la cryptographie quantique, on ne peut casser un certain nombre de codes de manière secrète, sans informer, puisque, en tout cas, de la cryptographie classique devient un jeu d'enfant. Oui, c'est-à-dire que la cryptographie quantique permet pas de casser les autres codes classiques. Donc pour l'instant, en fait, ce qui a vraiment été fait en Chine, c'est vraiment une preuve de concept appliquée, vraiment très importante. Ça montre que la cryptographie quantique est possible à des grandes échelles, puisque là on gagne vraiment un facteur 10. On passe d'une centaine de kilomètres qu'on pouvait faire au maximum sur des réseaux à fibre optique. Là, ça permet d'envisager à l'échelle intercontinentale des communications quantiques. Après, ça reste une preuve de concept, c'est-à-dire que c'est très lourd à mettre en place. Le taux de transfert de données est encore de la centaine de bits par seconde. C'est ridiculement bas pour l'instant. Et ça va être très compliqué d'augmenter ces taux à des cadences acceptables, ce qu'on fait à l'échelle du méga ou du gigabit aujourd'hui dans les communications classiques. Donc c'est pas encore sûr que l'internet quantique qui est vanté par les chercheurs, hein, l'internet quantique c'est Jiang Weipan, c'est-à-dire le maître d'œuvre chinois de ce projet et de tous les autres projets quantiques en Chine. C'est vraiment lui qui a impulsé ce domaine-là. Il utilise cette expression d'internet quantique. C'est vrai que ça permet d'attirer les financements et de susciter, d'aiguillonner l'intérêt. Mais néanmoins, on n'en est pas encore à cette échelle-là. Mais c'est pas de la science-fiction. Et on arrive à la fin de cette émission. On peut dire un mot tout de même pour compléter. On renvoie évidemment au magazine La Recherche qui consacre un dossier à la Chine et à cette cryptographie quantique. On peut dire qu'en 2016, 3500 chercheurs européens ont signé un appel pour que l'Union européenne investisse précisément massivement dans ces technologies et pour ne pas rester à la traîne. Il n'y aura pas de tour de table parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais oui, c'était passionnant. On a discuté longuement. C'est la première émission de l'année. Merci à tous les trois d'être venus. Caroline Tournant, une de ce Science et Vie de janvier. Les trous noirs qui sont à l'origine de tout. Sylvain Guilbeault, donc, à la Les 10 découvertes de 2017. Voilà. Et Pierre Kerner, qu'est-ce qu'il y a sur SAFT? Je participerai juste le 11 janvier 2018 à une journée sciences et médias à la BNF. Très bien. Bon, on va vous mettre tout ça, les liens sur notre fil Twitter. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Sarah Higemans, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Milena Elig à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontani à la technique.